Yeah. DKSS, Mr. Aya. Feed style, freestyle. Je suis un survivant, tous les MC sur le divan. Tout ça c'est sûr qu'ils font, bon alors c'est sûr qu'ils vont. Alors des KSS, pas le MC qui se vante. Impossant, je suis de nature constante, de ta mère dont sont contente. Une fois de plus, les contentes, donc une fois de plus je me concentre. Un point partout, ballon centre assez ballon. Y'a plus de centre, freestyle, jusqu'au centre. Freestyle, où ils sont, Kaira for life, encore. Ça c'est du son, vraiment tu sais ce qu'on fait du son. Je suis l'exception qui ne confirme pas la règle. Deuxième édition, tu sais que je suis une lumière. Thomas Edison, je suis la 16 et l'antithèse. Fais péter les ringtones, je veux finir chez Sony. Mais pas Ericsson. J'émulsionne dans ce biz. Appelle-moi Edmilson. DKSS, Mr. Aya. Deuxième édition. Feed style, freestyle, trop de choses à dire, trop de choses à faire avec Aya. Feed style, freestyle, une fois de plus on arrive mais on est ailleurs. Feed style, freestyle, je fais style, je freestyle, je tape dans l'île. Feed style, freestyle, lève les mains en l'air, Aya, mets-les par terre. Ok, je lève mes bras, Kaira for life écrit sur la bannière. Des bâtards veulent me battre de coups, mais dans le game j'ai pas de barrière. Dans le bord c'est la misère, ils veulent mettre des coups par derrière. Je leur en donne depuis longtemps, vu que ma zik n'est pas dernière. Je mouille le maillot, pas le caleçon, amène des bites. Nous maîtrisons toute la concu, nous maîtrisons. Amène des bites, nous les cassons. Yeah. Des KSS, obligé de fusiller cette bande de cassos. Yeah. Et si le groupe est naze, on kick et direct nous partons. Pas de pardon. Pris de vitesse par moi, mon PCK. Il sait que ma sans cesse me teste, mais personne peut sait pas. Réussir, je ne sais pas. J'évite toutes ces épaves. J'kick lourd, les rageux me regardent et chicave. Lyrique alpha m'a chargé comme un chicken chica. On n'est pas les mecs premiers du classement, et tu le sais ça. Mes 10 000 ennemis et moi, c'est une affaire classée. J'arrive dans le game et je me pars avec ce clas. Feed style, freestyle. Trop de choses à dire, trop de choses à faire avec Aya. Feed style, freestyle, une fois de plus on arrive, mais on est ailleurs. Feed style, freestyle, je fais style, je freestyle, je tape dans le mille. Feed style, freestyle, lève les bras en l'air, Aya, mets-les par terre. Ok, je relativise pas, j'anticipe, je suis pas un disciple. Je file d'ici, tout ça est illisible. Mister le sire, je suis l'officine qui tue l'officiel. Aïe, je suis hôtel, ménestrel, donc genre à l'hôtel. Je suis pas un modèle, seulement connecté au rap, ouais. Comme un modem, pas le temps pour les essais, hors thème. Surdoué du rap, hors pair, c'est la même. Aïe. Que Mister Aya, enchanté, j'achèterai des rimes en chantant, tu balances du loup. En chantant, Kaira for life, c'est MC échappé. Chope la routine, les roues, les roulis. Écoute, regarde toutes ces rookies. Chope la routine, les roues libres, les roues prises, achète pas la routine, les roues libres, les roues qui ne respectent qui riment car je trime en riant. Car les tricards, tous ces ricanes, les MC se prennent pour des ricains. En vrai, quand je kick, ils tournent au ricard. Soit disant Mister Aya, le Mister est là for life, on sera des Kaira. Et comme dirait des KLC, sortez les Mbuela. On n'est pas premier et tu le sais ça. Feed style, freestyle, trop de choses à dire, trop de choses à faire avec Aya. Feed style, freestyle, une fois de plus on arrive, mais on est ailleurs. Freestyle, freestyle, je fais style, je freestyle, je tape dans le mille. Freestyle, freestyle, lève les bras en l'air, Aya, mets-les par terre, mets-les par terre, mets-les par terre, mets-les par terre, Aya, Aya, mets-les par terre.